sans amitié vile. Je me regarde tourner la tête, éveillé très très tard. Sans amitié vile, ça me regarde perdre la tête et oublier tout ça. J'ai beaucoup trop de temps pour rien faire, bien trop de temps pour rien. J'ai pas assez d'envie pour m'y faire. Mes solutions sont dans le vent. Tout est trop grand, si grand que seul je crève de peur. Ville, ça me regarde perdre la tête quand tu souris vers moi. J'ai pas beaucoup de temps pour te plaire, trop peu de temps le tien. J'ai beaucoup trop d'envie pour bien faire. Je reste encore dans le vent. C'est pas marrant de voir sa gueule me crève le cœur. Sans amitié vile, ça te regarde